Et à 17h sur France Inter, la Bourse de Paris a tout annulé pour vous écouter, Charline Vanhoenacker. Ah bah oui, alors bah écoutez, c'est une bonne nouvelle, s'ils nous écoutent. Suite à l'émission d'hier sur l'économie, ils ont dit on ferme la Bourse. On arrête tout. Allez, écoutez ce qui s'est passé ce matin en conférence de rédaction, parce que nous sommes le 1er mai. Oui. Et on s'est demandé aujourd'hui si c'était le jour des travailleurs ou le jour du patronat. Eh bah, voici la réponse depuis ce matin dans les couloirs de France Inter. Salut Alex. Salut Charline. Et donc c'est mort dans les couloirs de Radio France. C'est terrible, le bureau est vide. Comment on va faire l'émission, nous? Je sais pas, on va travailler double. Tu sais, je suis passé devant le bureau des patrons, il n'y en a pas un qui est là. Oh, bah ça évidemment, la fête du travail, le 1er mai. Oui, fois qu'ils sont de gauche, les patrons, ça tombe aujourd'hui. Tiens. Bonjour les Belges. Bonjour. Ah bah tu vois Alex que la direction est là. Mais vous êtes là. Oui, parce que moi j'ai plein de choses à régler et puis moi j'adore bosser. Mais non, c'est pas comme... On s'est dit, voilà, c'est le 1er mai, peut-être que... Non, les patrons, ça bosse tous les jours. Comme je vous comprends, parce que moi aussi je suis patronne. Je bosse tous les jours. Mais alors là, il y a quelque chose que moi je comprends pas. Pourquoi moi je travaille un jour de congé? C'est parce que, comme d'habitude, Alex, vous prenez les choses à l'envers. Ah, voilà. C'est pourquoi vous ne faites jamais rien les jours de boulot. C'est ça la question. Comment vous savez ça? J'écoute l'émission. Ils sont forts, c'est pas bon. Tâchez de faire une belle émission, Alex, et puis me direz. Mais je vous dirai quoi? Vous me direz ce que ça vous fait de bosser. Ah, merci Laurence pour ce soutien. Non, mais ça suffit, j'ai deux patronnes ici. Moi je suis tout seul, je m'en fiche, j'appelle le syndicat. Laisse tomber le syndicat, il défile. Ils sont forts, c'est pas trop. Bon, je vous laisse bosser parce que je retourne dans mon bureau. Moi, dans 5 minutes, les ouvriers qui débarquent, faut que je sois là. Comment? Moi, je fais changer ma moquette. Hein. Vous faites faire ça un 1er mai? Ça coûte le double, c'est quand même mieux. Pas que vous allez refaire les boiseries aussi. Ah bah non, Charline, vous prenez pour qui? J'ai eu peur. Les boiseries, c'était dimanche dernier. Ils sont forts, les patrons. Et Laurence, vous étiez top dans cette conférence de rédaction. Qu'est-ce que vous me faites pas dire, même un 1er mai? Et encore, on n'a pas parlé des taxis. Merci Laurence Bloch. Bonjour la France Inter et bonjour les travailleurs. Et bonjour les patrons, bisous au MEDEF. Vous écoutez l'émission qui range l'information en ordre dispersé. Et voici les trois sujets qui vont défiler jusqu'à 18h. Léonard Trierweiler vient d'avoir 18 ans. Et pour marquer le coup, il donne une interview sur Click TV. Un entretien où il évoque bien sûr le président. Un entretien qui a donc valeur de témoignage historique. Parfois à l'Elysée, ça lui arrivait d'éteindre toutes les lumières lui-même et tout, et ça coûte trop cher, machin. Et soudain, les rafales s'envolent comme des petits pains, en fait. Après l'Égypte, après l'Inde, le Qatar vient d'en acheter 24. Une réaction, Serge Dassault? Merci, je suis vraiment très heureux. C'est peut-être le théâtre qui va pouvoir sauver l'industrie du cinéma français. L'adaptation des succès populaires théâtraux, c'est presque à chaque fois le jackpot au cinéma. En revanche, quand le texte ne vient pas du théâtre et qu'il vient exclusivement du cinéma, c'est autre chose. Hey Sophie, j'espère que t'as pas pris un coup de soleil sur les fesses parce que ça va te coûter cher en bienfaite, il faut que t'étales. Et pour s'emparer de ces trois sujets, je suis accompagnée de celui qui chaque jour cultive son jardin de la blague. Et aujourd'hui, il y a du muguet dedans, Alex Vizorek. Mais du muguet pour tout le monde. Et autour de la table, je ne vois que des gros travailleurs. À 17h20, même si on a l'impression que pour écrire ses chroniques, il ouvre le dictionnaire au hasard et place les mots qu'il trouve les uns après les autres. Mais en fait, non, il travaille énormément et ça ne se voit pas. C'est ça les grands artistes. Bonjour André Manoukian. C'est incroyable Alex, vous êtes en pleine synchronicité avec la chronique musicale que je vais faire, puisque là je vais vous parler de Chassol, qui est un musicien qui capte les sons dans la nature et qui les assemble tels quels. Il y a quelque chose entre nous André. C'est à 17h30, dingue. Le staccanoviste du micro, il pousse même le vice à aller travailler un 1er mai dans une manif de syndicalistes, autant aller soigner une plaie ouverte dans un banc de requins. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline. Alors moi effectivement je me suis rendu ce matin au rassemblement organisé par la CFDT, qui a tenu à ne pas défiler avec les autres syndicats parce que les autres syndicats sont des gros ringards. On ne dit pas que ce sont des ringards, ils sont dans des positions un peu anciennes. Ah pardon, non, des vieux cons, pas des ringards, autant pour moi. À 17h40, c'est un retour. Elle nous avait quitté pour aller tourner. C'est bien simple, elle a tellement tourné qu'aujourd'hui on la confond avec la veste de François Bayrou. Bonjour Juliette Arnaud. Et bonjour. Comment allez-vous? Mais très bien. Et de quoi vous allez nous parler? Et d'une femme écrivain qui s'appelle Joyce Carol Oates et qui, c'est une staccanoviste de l'écriture. Elle en a pondu plus de 70 et je crois qu'on n'arrive même pas à tous les répertorier et elle continue à écrire. En tout cas, vous avez un livre de poche et il faut des grande poche pour le mettre dedans. Vous nous en parlerez à 17h40, à 17h55, un troubadour qui n'a pas de jour de repos, puisque c'est normal, sinon personne ne jetterait des pièces dans son chapeau. Frédéric Fromet viendra faire swinguer l'actu en fin d'émission. Allez, chaque jour, nous sommes accompagnés d'un invité de référence qu'on appelle un référent de la République. Vu qu'on est le 1er mai, donc vous n'avez rien annulé pour venir avec nous. Mais vous êtes né sous Vincent Auriol. Vous mettez en scène et jouez votre première pièce de théâtre en 59 quand Astérix apparaît pour la première fois dans le journal Pilote. Vous entrez à la Comédie Française en 72, l'année où le mot le plus long est remplacé par une émission jeune et dynamique appelée Des chiffres et des lettres. Vous jouez dans Thérèse Desqueyroux de Claude Miller en 2012, alors que si Thérèse avait vraiment vécu jusque-là, elle aurait pu être émoustillée par la sortie en France de 50 nuances de gris. C'était en 2012 aussi. Et vous êtes donc, vous êtes... Francis Perrin, bonjour. Oui, bonjour. Francis Perrin. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Francis Perrin, on peut vous retrouver sur scène très bientôt à partir de mardi. Voilà. Au théâtre de la Gaîté Montparnasse. À 19h. Voilà, Molière, Malgré moi, où vous êtes à la fois auteur, metteur en scène, voilà, et seul en scène. Voilà, exactement. Se mettre en scène tout seul. Oui, ça je l'ai fait pas mal de fois. Oui. Parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Mais là, il n'y avait pas besoin de quelqu'un d'autre pour me mettre en scène. Mais j'adore être mis en scène. Hein. D'ailleurs, ça me repose. Mais là, il n'y avait pas de problème. Ce sont les 15 dernières années de Molière. C'est ça. C'est les 15 dernières années où se développe particulièrement l'aspect de ces deux amours, le théâtre et l'amour pour ses comédiennes. Ah bah oui, l'amour pour ses comédiennes, oui. Mais enfin, son amour du théâtre. Hein. Surtout, sa passion du théâtre. Et surtout, c'est son arrivée en 1658 devant le roi. Donc, il joue devant la cour. Et puis, ce sont les 15 années où, il écrit ses 30 et quelques pièces qui sont parmi des gros triomphes. Quoi. Le roi que vous allez interpréter aussi. Moi, je vais interpréter... c'est-à-dire que je dis que j'ai plus l'âge de le réincarner, mais j'ai encore celui de le faire revivre. Et donc, je fais revivre Molière et toute sa troupe, et le roi, et tout ce qui s'est passé pendant ces 15 années. Et surtout, j'apprends, je crois, des choses que les gens ne savaient pas, qu'il a été attaqué pendant toute sa vie, parce qu'il avait parce que c'était un homme qui a remporté des gros succès. Et donc, il a été attaqué très, très méchamment, quoi. Des choses graves. Vous avez pris des libertés avec l'histoire non, de Molière, non, non. Non, absolument, j'avais fait des recherches. J'avais écrit un livre il y a quelques années qui s'appelait Molière, chef de troupe. Et donc, j'ai fait des recherches. Et donc, c'est des choses qui sont absolument historiques. Voilà, et je fais un petit clin d'œil à la fin, parce que ça ne termine pas par la mort de Molière. Ça se termine par son immortalité. Ce qui lui va le mieux. Vous dites qu'il a été beaucoup attaqué parce qu'il avait du succès, ça veut dire par ses pairs, par des auteurs jaloux, par des calomnies immondes, l'inceste, on l'accuse d'avoir épousé sa propre fille. Alors qu'il n'était pas du Nord-Pas-de-Calais, rappelons-le. Non. Il était né à Paris. Et donc, il a été accusé d'homosexualité, il a été accusé aussi par les dévots, cette fameuse... Ça a été un scandale extraordinaire. On l'a condamné au bûcher. Il a la cour politique du roi avec laquelle il faut qu'il se tienne bien, et là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a eu un succès fou auprès du peuple et auprès de la cour, ce qui est tout de même très très rare. Et puis la seule chose, c'est qu'il est joué encore dans le monde entier, et ça c'est la preuve qu'il est complètement immortel et que c'est un auteur. C'est un comédien. C'est un comédien avant tout. C'était le premier farceur de France. Tout à fait. Ah, c'est un titre dont il se glorifie. Un aspect aussi, vous dites, c'est un entrepreneur de spectacle. Avant l'heure. Eh oui, il a fait vivre 45 personnes durant 15 ans. Donc lui aussi, il aimait l'entreprise. Absolument. Il fallait aller au charbon, voir le roi pour avoir les subventions et puis faire des spectacles qui plaisent. À une époque où il n'y avait pas d'intermittent du spectacle. Oh non. Il était lui-même. Molière, malgré lui, Francis Perrin, donc au théâtre de la Gaîté Montparnasse, à partir de mardi. Et jusqu'au 29 août, vous allez passer l'été Paris avec Molière. Oui, c'est bien. Très bien. C'est une très très bonne nouvelle. Allez, vous êtes sur France Inter. Et on a tout annulé pour vous jusqu'à 18h. Même un 1er mai. You know, she comes around just about 5'4". I'm from her head to the ground. You know, she comes around here feel so good. She make me feel all right. And her name is G. How? Whoa. Et ça vous rappelle votre jeunesse? Ah oui, jeunesse, en vrai, ça me rappelle mes 17 ans. Oui, oui. Mais oui, vous avez précisément dit, ça c'est mes 17 ans. Ouais, ouais. C'est fou comme c'est un marqueur temporel. C'est une chanson où on se bat normalement, Gloria. Ah bon? Ah oui. Enfin moi, mon père, c'est ça qu'il dit. Ah bon? Bon. Quand ça passait en boîte de nuit, on se battait automatiquement. Le papa Gilles Arnaud s'est battu sur Them, Gloria, écrite par Van Morrison. J'ai évité les bagarres. Vous êtes sur France Inter, nous sommes en compagnie de Francis Perrin, Molière malgré moi. Parce que moi, je dis tout le temps malgré Molière malgré lui. Et aussi, il s'est fait exprès pour se tromper. Avec toute la troupe du 17h, Juliette Arnaud, André Manoukian et Guillaume Meurice, qui s'est mouillé ce matin, qui était sous la pluie, manifesté pour le 1er mai. Et voilà. Et alors, tiens, tant qu'on parle de musique, un concert pour la Liberté, je le signale, c'est les 30 ans de Reporters sans frontières. Donc dimanche de 17h à 23h, il y aura un concert gratuit Place de la République avec notamment Jeanne Chéral, Arthur H et Sly Johnson. Donc dimanche 17h, Reporters sans frontières, Place de la République à Paris. Allez, dans un quart d'heure, on parlera aussi de musique avec André Manoukian et ses chroniques qui vont bientôt obliger France Inter à créer des sous-titres à la radio. Mais avant cela, une revue de Sans Presse, parce qu'il n'y avait pas de journaux ce matin, mais des sites internet. Charline Vanhoenacker. Non mais je vous en veux pas, mais... Alex Vizorek. Franchement, Bruxelles. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. L'info au kilo. Ah, il y en a un peu plus, je vous le mets. Et on commence par le 1er mai du FN. Effectivement, chez les Le Pen, entre le père et la fille, le torchon brûle. Peut-être un hommage à Jeanne d'Arc aujourd'hui, sans doute. En tout cas, le discours de Marine Le Pen fut perturbé par des fémènes ayant loué une chambre d'hôtel en face du podium. Depuis le balcon, Alors effectivement, je peux vous dire qu'au FN, depuis Pierrette Le Pen, il n'avait plus vu autant de monde au balcon. En tout cas, ça a énervé les partisans du FN. On a vu des images dans la foule. Il y a une dame qui a crié sale négresse. Mais enfin... Oui, bah surtout que les trois filles étaient blanches. Donc, si les partisans du FN commencent à ne plus distinguer les couleurs, ça va devenir de plus en plus difficile pour eux d'être racistes. Et puis, il y avait pas mal d'autres qui criaient salope, salope. Mais enfin... Mais oui. Enfin, bon, là, je ne veux pas me prononcer là-dessus, je ne connais pas personnellement cette demoiselle. Le service de sécurité du FN a violemment délogé les filles de leurs estrades. Oui, et ça que je ne comprends pas la logique du FN. Quand les gens voient leurs femmes, ils veulent les renvoyer. Ici, elles viennent toutes nues et ils sont pas contents quand même. Il y a un, c'est pas clair. Allez, passons à l'interview de Léonard Trierweiler par Mouloud Achour. Effectivement, et comme sa mère n'avait pas tout raconté sur ce qui se passait à l'Élysée, Léonard s'est sacrifié. Mais on le connaît surtout au départ pour les clashs qu'il avait eus par Twitter avec Louis Sarkozy. Et peut-être que le problème venait de là. Ce qui est marrant, c'est je crois que j'avais sa chambre. T'avais la chambre de Louis Sarkozy? Bah, je crois. Et qu'est-ce qu'il a laissé dans sa chambre? Les pistolets à billes. Mais non. Le petit Sarkozy laisse traîner des armes après son passage, ce qui doit être une tradition familiale. Son père avait fait pareil en Libye. Armement toujours. Oui, oui, oui. La France vend 24 rafales au Qatar. Bah, ouais. Bah, le Qatar, c'est pas eux qui arment Daesh ? Bah, si, bah, comme ça, Daesh aura des bons avions. Ah, mais Daesh, c'est pas ceux qui voudraient nous attaquer, des fois. Ah, oui, mais comme ça, on se fera attaquer par des bons avions. Ah, bah, très bien. Bah, merci le Qatar. Allez, oui, sport à présent. Oui, Alex, avec une bombe qui va sortir dans le stade 2 de ce dimanche. Effectivement, ils auront les résultats d'une expérience assez folle. On a dopé des sportifs, mais des vrais champions, des triathlètes notamment, médaillés, avec de l'EPO, des corticoïdes, pour prouver deux choses, que le recours aux produits interdits, même à faible dose, améliore les performances, et ensuite qu'il est facile pour un sportif de passer à travers les mailles de la lutte antidopage. Et quel est le résultat ? Eh bien, figurez-vous, c'est complètement fou. En fait, quand on se dope, on a de meilleures performances en sport. Mais non. Mais oui, oui, oui. Par exemple, ils disent qu'en se dopant, un 42e mondial peut avoir les mêmes résultats qu'un premier. Mais non. Mais si, et ça c'est bon à savoir pour Laurent Wauquiez, s'il se dope pour la primaire de l'UNP, ça pourrait le faire. Et, bon, et on termine par une info dont seul vous avez le secret, oui, Alex. Oui, oui, aux États-Unis, oui, attention. Un homme s'est fait arrêter par la police après avoir liké son avis de recherche sur Facebook. Oui, oui, oui, oui, oui. Ben oui. Ça, c'est Yahoo. Yahoo, c'est le fournisseur officiel. C'est un petit peu la revue de presse, les blagounettes malgré lui, hein, Francis Perrin. Francis Perrin qu'on pourra retrouver au théâtre bientôt. Théâtre de la Gaîté, Montparnasse. De la Gaîté, il y en a aujourd'hui dans l'actualité, figurez-vous. Avec vous, on va voir ça. Premier sujet. Pour ses 18 ans, Léonard Trierweiler a donc donné sa première interview sur Click TV chez Mouloud Achour. Déjà que Léonard Trierweiler, il clash Louis Sarkozy sur Twitter. Alors maintenant, il raconte les coulisses de l'Élysée. Comment il va se faire engueuler par sa mère? T'es le roi des cons au pays des emmerdeurs. Un petit con, casse-couille, qui prend la tête, d'accord, hein? Un espèce de petit enculé de merdeux qui chiale sa race toute la journée. Voilà ce que t'es, connard! Francis Perrin, regarde, ce n'est pas vraiment Valérie Trierweiler, hein, je vous le dis. J'ai pas reconnu la voix. C'est l'extrait culte du film Nos jours heureux. Alors, on avait déjà droit aux conjoints des politiques de longue tradition. Hein. Et puis aux parents, il y avait Valls avec sa maman récemment, ou Paul Sarkozy. Et puis on a eu les enfants aussi, bien sûr, Thomas Hollande, etc. Jean-Marc Ayrault. Oui, c'est vrai. Mais oui, exactement. Qui a fait tout un beau documentaire. Ah, carrément, là, on était carrément dans le documentaire. Et là, on s'intéresse donc à la progéniture de l'ex-femme. Est-ce qu'on est bien en France ou à la cour d'Angleterre? Ça vous amuse, ça, Francis Perrin? Oui, moi je veux. Ben, oui, mais si c'était pas le fils de Valérie Trierweiler, bon, voilà. Mais on s'en ficherait. Oui. Mais moi, ce qui m'épate toujours, c'est les gens qui ont le temps de faire des tweets et des trucs. Moi, avec tout ce qu'on bosse et tout, je sais pas, moi j'ai. Alors lui il vient d'avoir 18 ans, donc il a peut-être un petit peu de temps. Et puis il veut être cuisinier. Oui, effectivement, là, il raconte dans l'interview qu'il cuisine des plats pour sa maman. Parce que je m'intéresse tout de même. Là, bah, il est rigolo parce que sur Twitter, il fait des blagues adressées notamment à Louis Sarkozy. Très bonne. Et il y en a une qui est très bonne, il dit il a vraiment changé Nicolas Sarkozy? Mais changé de Rolex? C'est bon. C'est très drôle. Est-ce qu'on n'a pas un auteur en puissance là en plus? On cherche des chroniqueurs pour l'an prochain? Alors, c'est un petit peu donc cette interview où il raconte que François Hollande ferme les coupes la lumière, etc. Oui, ou que la première fois qu'il l'a vu, c'est bah, bien, il était moi, en train de. Je fais ça de... chez moi aussi. Oui, c'est président. Oui, non, mais, ouais, non. Non, non, non, mais je ferme les lumières parce que même c'est. Là, il y a comme une propagande de la normalité. C'est-à-dire le président, mais il éteint les lumières. Bah oui, moi je me souviens quand j'étais directeur de théâtre, à Montpensier au Versailles, Il y a intérêt à éteindre les lumières à Versailles. Ben je faisais ça aussi. Moi je passais derrière, j'éteignais les lumières. Et on voyait qu'en fin d'année, quand on faisait ça, on faisait une très très grosse économie. Mais un bon directeur, c'est ouais, ça commence par là, non? On est d'accord? Ben voilà, je pense qu'on donc peut c'est tenir... c'est un très bon président. Là, attends, je vais faire l'avocat du diable, hein. Je vais faire l'avocat du diable, mais le prendre soin d'éteindre partout, ouais. Ça le positionne autrement que DSK, mais alors c'est vrai, il n'y a pas de vanne, parce que dès qu'on dit DSK, il y a des vannes derrière. Rappelez-vous ce documentaire où on voyait DSK à Washington, et il expliquait que pour défroisser ses costards, il les accrochait à la baignoire, et puis il faisait couler à fond la douche, l'eau chaude. Là, ça peut être choquant pour un futur président qui fait des dépenses de tout ça pour défroisser le costard. C'est quasiment le truc le plus choquant qu'il ait porté mouillé. Et voilà, l'actualité avec Francis Perrin, ça va pas être triste jusqu'à 18h. Faut expliquer. André Manoukian, C'est le moment musical. C'est le moment érotico-cosmique. Là, c'est un musicien dont j'ai déjà parlé ici, mais c'était au sujet d'un EP. Il vient de sortir un album qui est fabuleux et qui s'appelle Big Sun. Alors, ce qu'on entend, c'est le chant des oiseaux et c'est sa matière première. C'est avec ces bruits de la nature qu'il fait sa musique. Alors, je suis obligé de revenir un petit peu en arrière. Hein. À partir du moment où on va distinguer l'homme du singe, qu'est-ce qu'on a comme outil pour le... Pourquoi tu me regardes ? Mais non ! Francis, rien à voir. Simplement pour dire, certains disent que on appelle les hominidés des hommes à partir du moment où ils enterrent leurs morts, à partir du moment où ils produisent des outils. Et en fait, il y a un truc qui est indéniable, c'est à partir du moment où ils produisent de l'art. Parce qu'on dit que les animaux ne produisent pas d'art. Eh ben, c'est une grosse bêtise, nous dit Gilles Deleuze. Ah, ça faisait au moins 30 secondes que j'avais pas parlé de lui, quand même. Il nous avait manqué, Gilou. L'animal produit de l'art, nous dit-il. Il produit de l'art pour marquer son territoire. Il fait pas que faire pipi pour marquer son chez-lui. La pose, le lémurien qui se dresse pour guetter son territoire. Il se lève comme ça, il regarde à gauche, il regarde à droite. Vous faites super bien le lémurien. C'est quoi en art, ça ? La danse contemporaine. La danse. Ah oui. Le cul multicolore des babouins dans le vert de la jungle, c'est quoi ? C'est de la peinture. C'est du Kandinsky. Voilà. Oui. Et alors, le chant des oiseaux, c'est pour faire quoi ? C'est pour marquer son territoire, c'est pour dire n'entrez pas ici, vous êtes chez moi. Ou alors c'est pour dire aussi... Je t'aime ? Non, c'est pour dire je suis là, venez m'attraper. Il est mignon. Alors, mais ça ne va plus du tout. Tout ça, évidemment, donc la musique est produite par les animaux, la danse et la peinture. Chez les Grecs, on retrouve cette distinction entre le monde désordonné de la nature et ses pulsions chaotiques. Les pulsions chaotiques, le chaos, ça veut dire le désordre. Hein, en grec, l'ordre, c'est le cosmos. Et qui est chargé de transformer le désordre en ordre ? Eh ben, c'est Orphée, le musicien. Le musicien qui transforme exactement les lions sauvages en 12 agneaux et qui, par la grâce de son chant, ramollit les pierres. Cette idée de transformation des choses par la grâce de musique, Bernard Sèvres en fait un concept. Il appelle ça l'altération musicale. C'est-à-dire que la musique nous rend autres, meilleurs peut-être. En tout cas, domestiquer les forces aveugles de la nature pour les transformer en mélodie, ça, c'est la fonction apollinienne. Une mélodie, c'est un discours, un logos, un récit que l'on peut comprendre avec un début, un milieu, une fin. Enfin, ça dépend qui le dit. Hein, ouais. Des fois, il n'y a pas de fin. Charline, en jouant aux oiseaux tout à l'heure, viens m'attraper, je suis là. Restituer le grondement de la terre, la pulsion sauvage, le chaos jouissif du monde, ça, c'est pas la fonction apollinienne, c'est la fonction dionysiaque. De loin, la préférée de Nietzsche. La tragédie, selon Nietzsche, c'est la confrontation de ces deux énergies. L'individuation solaire contre la pulsion grégaire, le solo contre le cœur, le spirituel contre la partouze. On est parti d'un cul de babouin. Hein, oui, la nature produit-elle de l'art ? Non, nous dit Descartes. Oui, répond Deleuze. En tout cas, on va pas clore le débat aujourd'hui dans cette chronique. Mais force est de constater que la nature est la première source d'inspiration des artistes, des premiers peintres de Lascaux jusqu'aux musiciens qui toujours essayèrent d'en imiter les sons. Admirable Beethoven dans la pastorale. Écoutez. Là, je voulais qu'on écoute l'orage, mais ça fait rien, ça c'est le printemps. Mais c'est sublime quand même, vous l'avez reconnu le printemps. Maintenant, écoutez Wagner dans l'or du Rhin qui nous fait le fleuve qui coule. Vous voyez le roulis ? Juste avec les trombones. Je vois plutôt un panzer, moi, mais ça peut marcher aussi. Guillaume Meurice. C'est ton côté juif. Écoutez le roulis encore, s'il te plaît. S'il te plaît, Benjamin Riquet, fais... Voilà. Vous avez... Ça roule. C'est Wagner qui va inventer la musique de film. Il fait ça avec des trombones et un peu de violon. Écoutez maintenant Olivier Messiaen. Écoutez son Merle noir. C'est-à-dire que le rêve de Messiaen, c'est de reconstituer le chant des oiseaux et tout ça écrit avec une partition. Il était chasseur, non ? Non, il n'était pas chasseur. Eh ben, c'est dommage. Voilà. Alexandre. Alors, qu'est-ce que c'est ah, il a bougé. Alors, donc, c'est... Poussez-le dans le dos. Si, donc, si de tout temps les hommes voulurent imiter, mais je voulais juste qu'on écoute un petit mais peu oui, raison, voilà, oui. La flûte d'Olivier Messiaen. Donc, de tout temps, les compositeurs ont essayé d'imiter la nature. Chassol, lui, il a décidé de reconstituer les sons tels quels, de les prendre à la source et de les assembler pour construire son récit, son logo, sa narration, bref, sa mélodie à lui. On va revenir un tout petit peu à Chassol, s'il te plaît, Benjamin Riquet. Voilà ce que fait Chassol, c'est qu'il nous relie directement la production de la nature, c'est qu'il nous restitue le chant du monde, l'harmonie cosmique, avec l'humilité de l'ornithologue et le mégalo du compositeur. Il est parti pour faire cet album en Martinique, la terre de ses ancêtres, avec une caméra pour filmer la nature et les gens, leurs sons, leurs paroles, leurs chants. Une musique de score, c'est ainsi qu'on appelle une musique de film, c'est une musique qui a pour seul but d'illustrer des images. C'est ce que fait Chassol en restituant musicalement les extraits de vie qu'il capte avec les yeux et les oreilles de sa caméra. Et il appelle ça un ultra-score. Big Sun, le titre de son album, l'ultra-score ultime du grand Chassol. Charline, pourquoi ça... Charline, la nature vous fait rire. Donc. Oui, je m'a dit. Bon, je pense qu'on va y aller parce que c'est comme ça tout le temps. Mais, donc on revient. C'est la transe de la musique. C'est un album qu'il faut écouter du début jusqu'à la fin. Vous pouvez tout faire dessus. Vous pouvez même faire l'amour si vous voulez. Et au moins, vous aurez le temps de vous mettre dans la forêt. Alors, je rappelle. Oui. Je rappelle les références, voilà, Chassol, Big Sun, il sera en concert le 11 mai à l'Européen à Paris, le 16 à Lens et le 24 juillet à Marseille. André Manoukian, hashtag annule tout, roudoudou, nous dit quel escroc ce Manoukian, il a samplé la femme de ménage qui récure sa baignoire et le passe en boucle. On salue évidemment tous nos amis, Twito. Alors vous êtes bien sur France Inter, nous sommes en compagnie de Francis Perrin. Ouais. Qui joue Molière malgré moi, attention, au théâtre de la Gaîté Montparnasse à partir de mardi à 19h. Et avec vous, je vais vous présenter Guillaume Meurice, oui, qui est en face de vous, qui fait du comique d'investigation. Le mieux c'est de l'écouter. C'est ça. Ça couine aussi un petit peu aux alentours, mais. Je sais pas bon, quel oiseau j'ai mis. D'arrondir tout ça. Eh bien, donc c'est aujourd'hui le 1er mai, le jour du grand rassemblement de la gauche. Alors bon, c'est un peu plus compliqué que ça. Disons que la CGT ne veut pas défiler avec Force Ouvrière parce qu'ils sont en désaccord sur l'authenticité d'un poil de cul de Khrouchtchev retrouvé dans la moustache de Trotsky. Bon, d'un autre côté, la mouvance anarchiste punk à chier anti-système, eh bien elle a choisi de lutter contre le système, comme d'hab, en buvant des bières anti-système devant des hypermarchés anti-système. Quant à la CFDT, ils avaient choisi de fêter le 1er mai dans leur coin aussi, en extérieur, hein, bonne idée, puisqu'il pleut. À l'INSEP, dans le bois de Vincennes, bonne idée, puisque c'est hyper loin. Mais j'y suis allé quand même, notamment pour interroger un organisateur. Qui a eu cette idée absolument géniale de faire ça au milieu d'un bois à 40 minutes du métro? Notre secrétaire général, je pensais que l'INSEP est un lieu effectivement où il y a beaucoup de jeunes. Et quand on en vit, c'est pas un gros problème. C'est vrai que ça trie les jeunes. Les jeunes qui ne seront pas motivés n'arriveront pas jusqu'ici. Bah, peut-être que le mauvais temps va jouer en notre faveur, il fait pas très beau, donc s'ils veulent passer un après-midi, une journée au sec, les lieux sont bien pour ça. Eh oui, les lieux sont hyper bien pour ça, des petits chapiteaux en plastique, pas chauffés et pas étanches du tout, c'est idéal, hein, les jeunes adorent ça normalement. Il y avait même une petite tente sous laquelle s'abritait une petite dame qui vendait des tickets pour les boissons et les repas. Elle était trop chou, elle m'a fait de la peine. Elle était toute seule avec sa petite table devant une grande mare de gadou. Je prends l'humidité. Mais oui, j'ai l'impression, qu'est-ce qui se passe? C'est le mauvais temps. Oui, mais là, personne va venir vous voir, il y a d'énormes tranchées de boue. Eh oui, c'est vraiment pas de chance en fait. Vous allez rester là toute la journée? Oui. Oui, jusqu'à 17h30. Oh là là, la pauvre, je la salue, hein, parce qu'il est 37. Elle est libérée depuis 7 minutes. Ben oui, je la salue, elle doit nous écouter dans la salle d'attente de son pneumologue. Bravo pour ce que vous faites, madame. Ouais, ça crée des emplois, après tout, hein, des emplois de pneumologue. Vive la CFDT pour ça. Alors, je n'exagère pas, hein, il faisait tellement froid que la CFDT distribuait à chaque participant, regardez ça, je vous les ai ramenés, des paires de chaussettes. Oh, une belle pare de... Tiens, je vous l'offre, ça ira avec vos chemises, hein, puisque c'est des chaussettes sobres. Un orange fluo, voilà, sublime. Donc tout le monde avait son parapluie, sa paire de chaussettes, sa bronchite et sa merguez. C'était un peu bizarre, c'était un peu austère aussi. Et c'est paradoxal car la CFDT a choisi justement de ne pas défiler avec les autres syndicats contre l'austérité parce que... Quand on compare ce qui se passe en Grèce, au Portugal, on est dans des situations qui sont bien pires ou ce qu'a vécu l'Espagne et qui encore l'affecte aujourd'hui. Donc parce qu'il y a pire ailleurs, vous défilez pas contre l'austérité? C'est vrai qu'on n'était pas d'accord sur les mots d'ordre entre nous et donc c'était compliqué. Et qu'est-ce qui vous différencie vraiment? On a du mal à comprendre. On peut toujours dire qu'on a la capacité à négocier, se mettre autour de la table... Et puis finalement dire que la bouteille, elle est jamais à moitié vide. Ouais, alors là, j'ai l'impression que la CFDT, elle est complètement vide, la bouteille, à 11h du matin. Poursuivons avec le même adhérent sur le rassemblement des syndicats. C'est vrai qu'on ne s'est pas rassemblés unitairement comme on a l'habitude de l'entendre. Vous êtes rassemblés de manière dispersée. Oui, non, mais c'est vrai, c'est plutôt un constat d'échec du syndicalisme. Oui, et c'est d'ailleurs le seul point d'accord de tous les syndicats en France. Il y en a un, il s'agit du constat de la faillite des syndicats en France, et c'est déjà ça. Mais qu'en est-il dans les autres pays, en Belgique, par exemple? Demandons aux membres du CSC, qui est... Confédération des syndicats chrétiens en Belgique, c'est le premier syndicat... Vous croyez en Dieu, ce qui explique pourquoi vous croyez au syndicalisme aussi. C'est clair qu'on reprend les valeurs de la tradition chrétienne, qui est l'aide, la solidarité aux plus démunis, etc. Et ça, je pense que c'est important pour le syndicalisme d'avoir ces valeurs-là à mettre en avant. Mais le syndicalisme, le problème, c'est quand on le frappe sur une joue, il tend l'autre joue. Il devrait mieux mettre des mandales, non? Je pense que c'est un équilibre. La concertation, pour nous, c'est important tant qu'elle est possible. Quand elle est plus possible, en effet, on essaye d'agir de la façon appropriée pour atteindre nos buts, quoi. Ouh là là là là, vous sentez la rébellion là, ouh là là, ça sent le cocktail Molotov, enfin le cocktail sans alcool bien sûr, avec des jus de fruits, mais des fruits belges, hein, des trucs cool quoi, des fraises, des fraises de Whippion. Oui, c'est ça, Charline, de Whippion. Et bien puisqu'on parle de vélo, oui je sais, on parlait pas de vélo, ma transition est pourrie, mais si vous m'emmerdez, je vous tue dessus, d'accord, hein, vous avez une crève sponsorisée CFDT. Bon, puisqu'on parle de vélo, il y avait également des stands où on trouvait des vélos. Explication. Donc les vélos sont installés sur Home Trainer et sont équipés de capteurs de puissance. Mais on n'avance pas. On n'avance pas. Est-ce que ça, c'est pas une allégorie de la gauche, finalement? Très bonne question. On dirait que c'est un peu symptomatique du gouvernement actuel, effectivement. Ah, bah voilà, mais j'ai compris d'où venait le problème. À la CFDT, ils pensent que le gouvernement est de gauche. Tout s'explique. Et c'est pour ça que les syndicats manifestent dans le fameux ordre dispersé, hein, que vous aimez tant, Charline. Et ça explique pourquoi la CFDT s'est réunie dans les bois, dans la boue et sous la pluie, dans ce qu'on pourrait appeler un désordre regroupé. Merci, Guillaume Meurice. Voilà, vous voyez, le comic d'investigation permet de soulever, de lever des lièvres, je pense qu'on peut le dire. Mais c'est très bien. Et de trouver des solutions pour avancer ensemble vers la bouteille vide. De l'ordre dispersé. De l'ordre dispersé. Vous êtes sur France Inter, nous sommes en compagnie de Francis Perrin et avec lui, eh bien, on repeint l'actualité du sol au plafond. On va aborder le deuxième sujet parce qu'attention, la France rayonne à nouveau dans le monde, Francis. Oui, jadis, elle rayonnait à travers la philosophie des Lumières ou je ne sais pas, ou son théâtre, Molière, bien sûr. Aujourd'hui, elle rayonne à travers ses ventes de rafales, ses ventes d'armement. Nous avons un savoir-faire exceptionnel en matière de vente d'armement et voici un extrait des négociations entre la France et le Qatar. 30 000. Ah, moi, je prends pas 30 000, ni 40 000 d'ailleurs. Je prends 300 000. 350 000. 380 000. Quel prix pour 400 000? 28. 27. 27. C'est bon. Affaire conclue. Et voilà, ça se passe comme ça, c'est tellement facile. 24 rafales vendues au Qatar, c'est un extrait de la vérité, si je mens, voilà. Et François Hollande a estimé que la vente de ces 24 avions rafales au Qatar constituait une fierté pour le pays. Vous qui êtes français, Francis Perrin, est-ce que vous sentez cette fierté? Oui, je suis assez loin de tout ça. Là. Je suis pas fier. Vous aussi. Je m'envole, mais ailleurs. Moi, vous vous rendez compte, ça fait 30 ans qu'on essaye de vendre le Rafale à l'étranger, on n'y arrive pas. Et là, d'un coup, entre moi, bim, il y en a presque 100 qui sont vendus. Égypte, Inde, Qatar. Vous sentez pas la vague monter? Oui, c'est vrai. Vous êtes oui, plus ému quand on exporte notre culture, parce que Charline faisait référence à ça. Mais je suis au courant de tout ça, oui, mais bon, c'est pas mal. Vous pourriez aller emmener Molière sur les routes, parce que l'une des plus belles biographies de Molière, c'était Bulgakov. Justement. Formidable. C'est un Russe qui a écrit une des plus belles biographies. Absolument. C'est extraordinaire ce qu'il a écrit. Mais d'ailleurs, vous ne vendriez pas Molière au Qatar? Mais ce qui est intéressant chez Molière, en dehors de l'auteur, c'est l'homme, justement. Parce que l'homme était exceptionnel. Et donc, et Bulgakov a très bien compris ça, parce que c'est un homme universel. Un personnage de roman. Et rare. Ouais. Vous avez joué aux États-Unis? J'ai joué, oui. Je suis allé jouer Molière malgré moi, à New York, Boston, Los Angeles, carrément, San Francisco et Washington, s'il vous plaît. Avec la traduction. Avec la traduction simultanée qui était écrite au-dessus, voilà. Et les Américains connaissent? Ah oui, très bien. Oui, c'est très vrai, bien Molière. Mais j'ai joué dans les universités françaises, où il y a beaucoup de lycées français, mais il y a les Américains qui sont venus et qui connaissent très bien Molière. Et sur quelle pièce particulièrement? Oh oui, ils connaissent Tartuffe, ils connaissent Le Misanthrope, ils connaissent Les Fourberies de Scapin, ils connaissent Le Bourgeois Gentilhomme, ils connaissent vraiment tout Molière. Hein. Ils sont très érudits sur ça. Et je rappelle qu'on parle du Rafale. Hein, je vais trouver une transition et je vais vous dire la transition. C'est qu'en vendant les Rafales, on a niqué les Américains. Et bim! Les produits français se vendent. Est-ce que les Qataris ont choisi les avions français, pas les avions américains, mon petit bonhomme? On peut dire merci à Al-Qaïda, parce que s'ils se vendent, c'est parce qu'on a déclaré la guerre au Mali et qu'on a prouvé l'efficacité du Rafale et ça a permis d'en vendre après. Donc... C'était la minute géopolitique. Mais exportons plutôt Molière pour faire rayonner la France. Molière, malgré moi, Francis Perrin. C'est incompatible. Vous l'avez joué aux États-Unis et vous le jouerez aussi au théâtre de la Gaîté Montparnasse. Voilà, je viens le jouer à Paris. Partir de mardi à 19h. À cette heure-ci, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi si vous suivez. Moi, j'aimerais bien entendre Juliette Arnaud. Oui, parce que je l'aime beaucoup. Voilà. C'est une bonne idée. Oui, en plus, je trouve très brillant, géostratégiquement parlant. J'ai bien compris que l'Al-Qaïda et des Rafales. Allez, prenez un peu de hauteur avec la littérature. Un peu de hauteur, vous allez voir, ça va être un peu chaotique. Alors, c'est un livre de Joyce Carol Oates qui s'appelle Mud Woman, en gros la femme debout. Alors, Joyce Carol Oates, elle est née en 1938, elle enseigne la littérature à Princeton, elle a écrit plus de 70 romans, dont un qui est très très célèbre et qui a été traduit dans toutes les langues possibles, y compris le papou, qui s'appelle Blonde. Mais il y en a tellement d'autres, tous très différents les uns des autres, tous prenants, souvent traversés d'onirisme, toujours peuplés de personnages qui restent collés à nos mémoires exactement comme s'ils faisaient partie de notre propre famille. J'en cite quelques-uns, Bellefleur, Maria, Confession d'un gang de filles qui a été adapté l'année dernière au cinéma, Nous étions les Mulvaney, Nul et Grande Gueule, Fille noire, fille blanche, Petite sœur, mon amour, et j'en laisse délibérément, ça fait trop. Tout ça pour dire que c'est honteux qu'elle n'ait pas encore eu le prix Nobel de littérature. Et ça me rappelle un épisode de la série Beverly Hills 90210. Ne riez pas. Où est refugié au personnage de Donna Martin, une blonde peroxydée au sein énorme mais vierge, le droit de passer ses examens parce qu'elle s'est fait prendre à boire un verre de Malibu Ananas et qu'elle a 17 ans. Sauf qu'alors, un mouvement de solidarité totalement pas crédible dans un lycée aussi huppé, puant, plein de jeunes gens irritants, se monte et au slogan de « Donna Martin, examen, Donna Martin, examen » obtient que finalement, cette pauvre Donna Martin puisse concourir en paix et contre toute attente avec ses gros seins, concourir avec succès. Non, je n'ai rien contre les gros seins. Je pense vraiment qu'on devrait faire la même chose pour Joyce Carol Oates et ce foutu prix Nobel qui n'arrive pas, avec un slogan plus adapté, bien sûr. Mais revenons à Mud Woman, abandonnée toute petite dans la boue des marais l'état de New York par son abominable mère, survivant un peu grâce au corbeau, un peu grâce à un chasseur, recueillie plus tard par un couple charmant de Quakers sans avoir eu la chance d'une vraie vie d'enfant, on la voit se relever suffisamment pour devenir une femme puissante puisqu'elle devient patronne d'une prestigieuse université. Mud Woman, c'est le premier livre que Joyce Carol Oates parvient à écrire après la mort de son cher mari dont elle était l'épouse depuis 45 ans. C'est donc pas très surprenant que celui-là de livre, il raconte l'histoire d'une femme qui lutte pied à pied pour ne pas s'effondrer. Pas très surprenant et extrêmement émouvant. Parce que Meredith Ruth, qui est le personnage principal, l'héroïne, est de plus en plus hantée par le souvenir à la fois clair et confus de cet abandon originel dans la boue. Alors qu'elle tente de maintenir la paix au sein de son université, où s'affrontent durement les pro et anti-guerres en Irak, parce que le livre il se passe en 2003, on assiste tremblant au délitement de son univers psychique intérieur. Face à elle, un professeur particulièrement toxique dont le portrait m'a frappé. Il m'a rappelé tout un tas de gens près de notre époque. Voilà, alors une petite citation. Pendant des années, ce professeur avait tenu un site appelé Démythificateur Incorporated, où des liens renvoyaient à des sites négationnistes. Comme une grosse araignée, il avait sucé l'âme de jeunes gens naïfs et était devenu, se faisant, un personnage paradoxalement admiré, y compris des étudiants qui jugeaient ses opinions fascistes et son absolutisme moral dépassé et désuet. La conduite de ce professeur en public était essentiellement théâtrale et exhibitionniste. Il était impossible qu'il croie aux idées extravagantes qu'il avançait. Dans l'atmosphère troublée et empoisonnée qui avait suivi le 11 septembre, il était descendu dans l'arène, fort de sa réputation universitaire, publiant dans les tribunes libres du New York Times, où il soutenait que la guerre contre l'islam terroriste était plus indispensable que ne l'avait été la Seconde Guerre mondiale, parce qu'à la différence des musulmans, les nazis ne combattaient pas le christianisme. Ça vous rappelle quelqu'un ? Élisée Moon, oui, évidemment. Voilà, plein, bref. J'allais clore cette chronique lorsque j'appris que Joyce Carol Oates avait signé un manifeste contre la décision du Pen Club de remettre un prix à Charlie Hebdo pour son courage et la liberté d'expression. Le manifeste accuse en effet l'hebdomadaire satirique de se moquer d'une partie de la population française déjà marginalisée et victimisée. Ça m'assied. Oh ben non, flûte à bec, Joyce, pas toi aussi. Et puis je me suis souvenue que Joyce Carol Oates est américaine, pas française, que toute intellectuelle progressiste qu'elle soit, elle ne maîtrise que mal ce qui fait notre histoire, notre amour de la provocation politique ou religieuse. Et enfin, je me suis souvenue qu'on n'est pas obligé de tout aimer chez un artiste, toutes ses idées, toutes ses postures, toutes ses croyances. Finalement, le prix Nobel de littérature, ben il va attendre. Tandis que la sortie en poche de Mud Woman, et ben c'est maintenant. Merci, Juliette Arnaud. Vous pouvez retrouver les références des livres, bien sûr, sur franceinter.fr et la page de notre émission. Vous êtes dans Si tu écoutes, j'annule tout sur France Inter, une émission préparée par Nathalie Romero, Sophie Hoffman, réalisée par Benjamin Riquet. Et oui, parce qu'on dirait pas comme ça, mais cette émission est préparée. C'est fou, non ? On est avec Francis Perrin jusqu'à 18h. Alors que le bruit de nos talons sur le macadam trempé résonne dans la nuit de décembre, alors il faut rattraper le temps perdu, le temps passé loin l'un de l'autre. Je suis un peu fébrile et toi t'as cet air un peu songeur. Tu fais ce bruit avec tes lèvres que je connais par cœur. Les mots se font rares mais peu importe, les silences comptent aussi et on a toute la nuit. Alors que l'odeur d'amandes sucrées, de nos haleines alcoolisées nous revient par la baie qu'on expire, alors les langues se délient, alors on ose enfin parler, se dire les choses. Tu es parti, je suis resté, on a changé, on s'est construit chacun de notre côté. J'ose pas trop le dire mais souvent tu me manques, et je suis heureux à cet instant de pouvoir simplement te regarder. Dans ma poche un briquet, je fais des étincelles par série de trois, réflexes bizarres je sais. Je voudrais que ce moment s'arrête pas. Si le bateau coule, si le bateau sombre, je te suivrai, je serai comme ton ombre. Tu me trouveras toujours dans ton sillon, dans les seuls moments comme dans les bons. Et si le ciel s'écroule, si les continents plongent, je te suivrai même jusque dans tes songes. Tu me trouveras toujours dans ton sillage, dans les lignes droites et les virages. Engourdis par le froid brille sous le crachin nocturne, alors on discute à bâton rompu comme à cette époque bénie où tu partageais ma vie. J'aime toujours ce que tu es, en fait même plus qu'avant je crois, maintenant que t'es plus là. Et puis y a quelque chose de plus lumineux, de coloré, de plus vivant, je trouve ça séduisant. Dans ma poche un briquet, je fais des étincelles par série de trois, réflexe bizarre je sais, mais je voudrais vraiment que ce moment s'arrête pas. Et si le bateau coule, si le bateau sombre, je te suivrai, je serai comme ton ombre. Tu me trouveras toujours dans ton sillon, dans les sales moments comme dans les bons. Et si le ciel s'écroule, si les continents plongent, je te suivrai même jusque dans tes songes. Tu me trouveras toujours dans ton sillage, dans les lignes droites et les virages. Au cinéma. Fauve, Talua, vous êtes sur France Inter, nous sommes en compagnie de Francis Perrin. On va aborder le troisième sujet de cette émission, le théâtre, planche de salut pour le cinéma. C'est un titre du Figaro daté de mercredi, parce que les succès au théâtre, bien adaptés, ils font un carton au cinéma, à condition de respecter quelques règles que voici, surtout ce qu'il ne faut pas faire. Et je prends le chien, et je lèche son sang, et je mets mon sexe dans ta main, car j'ai 10 ans. Pardon Christine, excuse-moi, je te coupe. C'est très intéressant ce que tu fais, hein. J'aime beaucoup cette oppression thoracique avec laquelle tu contiens ton texte. Par contre, il y a une chose, Chrisettine, ne me refais plus jamais ça ou alors je donne ma démission. Ça, j'ai fait. Tu as regardé Jean Calin? Tu lui parles, ton texte s'adresse à lui et tu le regardes, c'est absurde. C'est vrai, c'est surréaliste. T'as pas besoin de le regarder, Chrisettine, hein? On n'est pas au boulevard. Attention, j'adore, hein, le boulevard, j'aime, j'adore. Mais en l'occurrence, on est au théâtre. Les Robins des Bois, évidemment. Ah, c'était formidable. Et oui, alors la dernière adaptation d'une pièce de théâtre à succès au cinéma, c'est Nos Femmes. Oui, d'Éric Assous. Voilà, avec Thierry Lhermitte, Richard Berry, Daniel Auteuil. Alors, il y a eu beaucoup de succès d'adaptation. Le Dîner de Cons, évidemment. Le prénom. My Old Lady d'Horowitz. Alex, vous nous rappeliez évidemment Cyrano. Oui, c'était quand même. Alors, est-ce qu'il y a eu Arrête de pleurer, Pénélope, l'adaptation? Oui. Parce que je connais bien l'auteur. Ça n'a pas eu un succès. J'ai autant vous dire que Charlene Tole. Ah, bah justement, alors là, je ne sais pas c'est qui, mais j'aimerais bien savoir c'est qui. Oui, mais alors, est-ce que c'est une facilité vers laquelle tend le cinéma? Non, je crois qu'il cherche des bons scénarios. Et quand il y a des très bons auteurs comme Éric Assous ou ceux qui ont écrit Le Prénom et tout ça, c'est. Oui, c'est important. Je crois que ce qui est important, c'est un bon scénario et après que ça puisse se transformer. Mais il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. Parce qu'il n'y a pas de recettes. Il y en a certains qui disent quand même dans Le Parisien, il y avait un article aussi en disant si on reste assez fidèle à la pièce qui a fait son succès et qu'on prend les mêmes acteurs et qui sont déjà connus au départ, ça marche un peu mieux. Sauf que je crois qu'ils sont en train de se prendre une tôle. Enfin, les gens. Aïe, je suis désolée. Je suis pas désolée. Il n'y a pas de raison. Ah oui, donc là, ce serait un exemple d'adaptation. Ne marche pas. Comme L'Emmerdeur qui n'avait pas bien fonctionné. Alors que Le Dîner de Cons avait fonctionné. Oui, L'Emmerdeur, c'était déjà une reprise d'un film qui avait été un gros succès avec Jacques Brel. C'est le remake d'un film qui a été culte. Hein. Oui. Moi, je trouve, avec Jacques Brel et avec Lino Ventura. Oui, mais c'est difficile de passer derrière. Attendez, j'ai rien compris. Ils font des pièces, après ils en font des films, et du film, ils en font une pièce, c'est ça? Mais cet Emmerdeur-là était tiré de la pièce. Absolument. Oui, donc ça, c'était. Et puis une BD, et puis une appli iPhone. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de règles, mais bon, c'est. Bon, là, tout de même, il y a une affiche qui est alléchante quand on voit Richard Berry, Daniel Auteuil. Effectivement. Et alors, au départ, il y avait Didier Flamand qui jouait la pièce et qui a été remplacé par Thierry Lhermitte. Mythe ça, plus connu pour le cinéma. Ça n'est pas très gracieux. On parlait tout à l'heure de Signé Dumas, qui a été que vous jouiez. Que je jouais avec Fatih Rifraimont au théâtre, qui a été fait au cinéma avec Depardieu et Benoît Poelvoorde. Et ça n'a pas marché parce que la pièce qui était formidablement écrite, ils ont transformé la pièce et et ça Bardaf, voilà. C'est la gamelle. Voilà, oui. Donc c'est un, oui, c'est il n'y a pas de règles. Je crois. Moi, je crois que c'est tout. Bah oui, allons-y sans règles, c'est beaucoup mieux. mais le théâtre restera le théâtre et le cinéma va le cinéma. Et puis, s'ils peuvent de temps en temps s'entraider, tant mieux. Mais oui, c'est ça, une bonne idée. Ce serait amusant que le théâtre soit pourvoyeur de gros succès au cinéma. J'ai vu l'inverse. La haine sur scène, c'était pas mal. J'ai vu ça en Allemagne. Ils avaient repris le film, ils avaient fait une pièce de théâtre. C'est super bien mis en scène, mais c'est beaucoup plus rare. Et ben voilà. Et alors, à ce moment-là, on se demande si on va se prendre une gamelle si c'est notre dernière émission. C'est chaque vendredi pareil. Et tout ça, c'est avec ce salopard de Frédéric Fromet qui travaille même le 1er mai. Allez, la semaine dernière, il nous avait pris un thème fou. Cette semaine, de quoi va-t-on parler? Eh bien, une ex-présidente d'un grand institut public de l'audiovisuel m'a chargée de transmettre un message. Sans Lina, je me demande maintenant comment me rendre de chez moi à la boulangerie. Il y a 50 mètres. Hein. Maintenant, j'ai un petit peu les boules. Qu'on me demande si ça roule. Je n'ai plus de taxi gratuit. Mon Nina, rappelle-toi que je vais nulle part sans toi. Mon Nina, sans un taxi, je suis comme atteinte de paraplégie avec mon fils. Mon fils, quelle maladresse. Ma maladresse. 40 000 euros, franchement, c'est quoi? Le prix d'un demi-bureau, un demi-bureau d'un président de Radio France. Alina, Alina, votre argent était à moi. Alina, Alina, connais par cœur le film Taxi. Mais mon Nina, je n'irai pas en prison comme ça, Mina série. 40 000 euros, franchement, c'est quoi? Ah, ah. La petite moitié d'un salaire d'un communicant, d'un président de Radio France. Alina, ah, ah, Alina, ah, ah, je n'avais acheté que 3 lampes piquées. Ah, ah, ah, Alina, ah, ah, Alina, le taxi n'allait pas jusque chez Habitat. Alina, ah, ah. Voilà. Brillant. Merci. Est-ce que vous la chanterez lundi 4 mai à l'Européen? Mais bien sûr. Bon, à lundi, moi je viens. Frédéric Fromet, merci. On se fait plein d'amis, plein de bisous à la direction, voilà, qu'on embrasse très très fort, hein, la grande grande direction. On a le ministère de la Culture, l'INA, on les embrasse tous, le CSA, on fait des bisous à tout le monde. De toute façon, lundi, on aura le temps d'aller voir Frédéric, on n'aura pas d'émission. Donc, ce sera très bien. Voilà. Merci beaucoup, Francis Perrin, d'être resté avec mais nous. Mais ça m'a fait très plaisir. Je suis bien amusé. Premier, mais ben, nous aussi, écoutez, oui. Alors, ben, Molière, malgré moi, attention, ça, là, je réussis à pas me tromper. Francis Perrin, vous êtes au théâtre de la Gaîté Montparnasse à partir de mardi à 19h et ce jusqu'au 29 août. Donc on a le temps. Oui, allez-y quand vous voulez. Du mardi au samedi. Voilà. Du mardi au samedi. Vous êtes prêts parce que vous allez rôder aux États-Unis. Oui. Vous pouvez rôder aussi. Après l'hamburger. Merci à Juliette Arnaud. Merci André Manoukian. Merci Charlie. Merci Guillaume Meurie. Merci Frédéric Fromet. Je vous donne rendez-vous demain samedi 17h. Si l'Amérique m'était comptée, Philippe Collin, Xavier Mauduit, c'est Coca-Cola et le fast-food justement. Et puis à 19h, La vie est un jeu avec Daphné Roulier. Elle reçoit Philippe Djian et il se fait rare. Donc c'est conseillé demain 19h. Allez, je vais laisser le mot de la fin André au théâtre. Ah, et ce soir, il y a par contre live avec Julien Doré qui va nous faire le plaisir de nous jouer juste tout nu avec son piano. Enfin, quand je dis tout nu, c'est qu'il n'aura pas ses musiciens. D'accord. Allez, on hommage de Francis aussi, Perrin, voilà. Un petit mot au théâtre. C'est absurde. C'est vrai, c'est surréaliste.